Chapitre 3 du livre 8 de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 8. Chapitre 3e. Fin de l'écu changé en feuille sèche. Quand elle rentra, pâle et boitant, dans la salle d'audience, un murmure général de plaisir l'accueillit. De la part de l'auditoire, c'était ce sentiment d'impatience satisfaite qu'on éprouve au théâtre à l'expiration du dernier entr'acte de la comédie, lorsque la toile se relève et que la fin va commencer. De la part des juges, c'était espoir de bientôt souper. La petite chèvre aussi bêla de joie. Elle voulut courir vers sa maîtresse, mais on l'avait attachée au banc. La nuit était tout à fait venue. Les chandelles, dont on n'avait pas augmenté le nombre, jetaient si peu de lumière qu'on ne voyait pas les murs de la salle. Les ténèbres y enveloppaient tous les objets d'une sorte de brume. Quelques faces apathiques de juges y ressortaient à peine. Vis-à-vis d'eux, à l'extrémité de la longue salle, ils pouvaient voir un point de blancheur vague se détacher sur le fond sombre. C'était l'accusée. Elle s'était traînée à sa place. Quand Charmolue se fut installé magistralement à la sienne, il s'assit, puis se releva, et dit, sans laisser percer trop de vanité de son succès, « L'accusée a tout avoué. » « Fille bohème, reprit le président, vous avez avoué tous vos faits de magie, de prostitution et d'assassinat sur Phébus de Châteaupers ?» Son cœur se serra. On l'entendit sangloter dans l'ombre. « Tout ce que vous voudrez, répondit-elle faiblement, mais tuez-moi vite. » « Monsieur le procureur du roi en cour d'église, dit le président, la chambre est prête à vous entendre en vos réquisitions. » Maître Charmolue exhiba un effrayant cahier et se mit à lire avec force gestes et l'accentuation exagérée de la plaidoirie une oraison en latin où toute l'épreuve du procès s'échafaudait sur des périphrases cicéroniennes flanquées de citations de Plaute, son comique favori. Nous regrettons de ne pouvoir offrir à nos lecteurs ce morceau remarquable. L'orateur le débitait avec une action merveilleuse. Il n'avait pas achevé l'exorde que déjà la sueur lui sortait du front et les yeux de la tête. Tout à coup, au beau milieu d'une période, il s'interrompit, et son regard, d'ordinaire assez doux et même assez bête, devint foudroyant. « Messieurs !» s'écria-t-il, cette fois en français, car ce n'était pas dans le cahier. « Satan est tellement mêlé dans cette affaire que le voilà qui assiste à nos débats et fait singerie de leur majesté. Voyez !» En parlant ainsi, il désignait de la main la petite chèvre qui, voyant gesticuler Charmolue, avait cru en effet qu'il était à propos d'en faire autant, et s'était assise sur le derrière, reproduisant de son mieux, avec ses pattes de devant et sa tête barbue, la pantomime pathétique du procureur du roi en cour d'église. C'était, si l'on s'en souvient, un de ses plus gentils talents. Cet incident, cette dernière preuve, fit grand effet. On lia les pattes à la chèvre, et le procureur du roi reprit le fil de son éloquence. Ce fut très long, mais la péroraison était admirable. En voici la dernière phrase, qu'on y ajoute la voix enrouée et le geste essoufflé de Maître Charmolue. « Ideo domini, coram striga demonstrata, crimine patente, intentione criminis existente, in nomine sanctae ecclesiae nostrae dominae parisiensis, quae est in saesina abendis omnimodam altam et passam justitiam in illa ac intermerata civitatis insula, tenore praesentium declaramus nos requiere, primo, aliquandam pecuniarium intimitatem, secundo, amendationem honorabilem ante portalium maximum nostrae dominae, ecclesia cathedralis. Tertio, sententiam in virtute cuius ista striga cum sua capella, seu in trivio vulgariter dicto la greve, seu in insula exeunte in fluvius equanae, juxta puntam jardini regalis, Executate sint. Traduction. C'est pourquoi, messieurs, en présence d'une strige avérée, le crime étant patent, l'intention criminelle évidente, au nom de la Sainte Église Notre-Dame de Paris, qui est en saisine d'avoir haute et basse justice de toutes sortes dans cette île sans tache de la cité, par la teneur des présentes, nous déclarons requérir, premièrement, quelque indemnité pécuniaire, deuxièmement, amende honorable devant les grandes portes de Notre-Dame, église cathédrale, troisièmement, une sentence en vertu de laquelle cette strige avec sa chèvre, ou bien sur la place vulgairement dite la grève, ou bien à la sortie de l'île sur le fleuve de Seine, près de la pointe du jardin du roi, soit exécutée. Fin de la traduction. Il remit son bonnet et se rassit. Et, soupira Gringoire navré, bassa latinitas. Traduction. Hélas, basse latinité. Fin de la traduction. Un autre homme en robe noire se leva près de l'accusé. C'était son avocat. Les juges, à jeun, commencèrent à murmurer. « Avocat, soyez bref, » dit le président. « Monsieur le président, » répondit l'avocat, « puisque la défenderesse a confessé le crime, je n'ai plus qu'un mot à dire à messieurs. Voici un texte de la loi salique. Si une strige a mangé un homme, et qu'elle en soit convaincue, elle paiera une amende de 8 000 deniers, qui font 200 sous d'or. Plaise à la chambre, condamner ma cliente à l'amende. Texte abrogé, dit l'avocat du roi extraordinaire. Nego, répliqua l'avocat. Traduction, je le nie. Fin de la traduction. Au voix, dit un conseiller, le crime est patent et il est tard. On alla au voix sans quitter la salle. Les juges opinèrent du bonnet. Ils étaient pressés. On voyait leurs têtes chaperonnées se découvrir l'une après l'autre dans l'ombre à la question lugubre que leur adressait tout bas le président. La pauvre accusée avait l'air de les regarder, mais son œil trouble ne voyait plus. Puis le greffier se mit à écrire, puis il passa au président un long parchemin. Alors la malheureuse entendit le peuple se remuer, les piques s'entrechoquer, et une voix glaciale qui disait « Fille bohème, le jour qu'il plaira au roi notre sire, à l'heure de midi, vous serez menée dans un tombereau, en chemise, pieds nus, la corde au cou, devant le grand portail de Notre-Dame. Et y ferez amende honorable avec une torche de cire du poids de 2 livres à la main. Et de là, serez menée en place de grève, où vous serez pendue et étranglée au gibet de la ville. Et c'est votre chèvre pareillement. Et paierez à l'official 3 lions d'or en réparation des crimes par vous commis et par vous confessés, de sorcellerie, de magie, de luxure et de meurtre sur la personne du sieur Phébus de Châteaupers. Dieu est votre âme. Oh, c'est un rêve, murmura-t-elle, et elle sentit de rudes mains qui l'emportaient. Fin du chapitre 3e du livre 8. Lu par J. Séguin. Montréal, mars 2011.